Chapitre 6 de Le crime d'Orcival par Émile Gaboriau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 6. Monsieur Lecoq s'engagea le premier dans l'escalier. Et tout d'abord, les taches de sang lui sautèrent aux yeux. Oh! Faisait-il d'un air révolté à chaque tache nouvelle. Oh! Oh! Les malheureux! Monsieur Courtois fut très touché de rencontrer cette sensibilité chez un agent de police. Il pensait que cette épithète de commisération s'appliquait aux victimes. Il se trompait, car Monsieur Lecoq, tout en montant, continuait. Les malheureux! On ne salit pas tout ainsi dans une maison, ou du moins on essuie. On prend des précautions, que diable! Arrivé au premier étage, à la porte du boudoir précédant la chambre à coucher, l'agent de la sûreté s'arrêta, étudiant bien, avant d'y pénétrer, la disposition de l'appartement. Ayant bien vu ce qu'il voulait voir, il entra en disant: Allons! Je n'ai pas affaire à de mes pratiques. Mais il me semble, remarqua le juge d'instruction, que nous avons déjà des éléments d'instruction qui doivent singulièrement faciliter votre tâche. Il est clair que Gaspin, s'il n'est pas complice du crime, en a du moins eu connaissance. Monsieur Lecoq eut un coup d'œil pour le portrait de la bonbonnière. C'était plus qu'un regard, c'était une confidence. Évidemment, il disait à la chair défunte ce qu'il n'osait dire tout haut. Je sais bien, reprit-il, Gaspin est terriblement compromis. Pourquoi ne veut-il pas dire où il a passé la nuit? D'un autre côté, il a contre lui l'opinion publique, et alors moi, naturellement, je me défie. L'agent de la sûreté se tenait seul au milieu de la chambre. Les autres personnes, sur sa prière, étaient restées sur le seuil. Et, promenant autour de lui son regard terne, il cherchait une justification à l'horrible désordre. Imbécile, disait-il d'une voix irritée, double brute. Non, vrai, on ne travaille pas de cette façon. Ce n'est pas une raison parce qu'on tue les gens afin de les voler, de tout casser chez eux. On ne défonce pas les meubles, que diable! On porte avec soi des rossignols, de jolis rossignols qui ne font aucun bruit, mais qui font d'excellentes besognes. Maladroit, idiot, ne dirait-on pas? Il s'arrêta bouche béante. Eh! Reprit-il, pas si maladroit, peut-être. Les témoins de cette scène se tenaient immobiles à l'entrée. Suivant, avec un intérêt mêlé de surprise, les mouvements, il faudrait presque dire les exercices de Monsieur Lecoq. Agenouillé sur le tapis, il promenait sa main à plat sur le tissu épais, au milieu des morceaux de porcelaine. C'est humide, très humide. Tout le thé n'était pas bu, il s'en faut, quand on a cassé la porcelaine. Il pouvait rester beaucoup de thé dans la théière, objecta le père Plantat. Je le sais bien, répondit Monsieur Lecoq, et c'est justement ce que j'étais en train de me dire. De telle sorte que cette humidité ne suffit pas pour nous donner le moment précis du crime. Mais la pendule nous le donne, s'écria M. Courtois, et très exactement même. En effet, approuva M. Domini, M. le maire, dans son procès-verbal, explique fort bien que dans la chute, le mouvement s'est arrêté. Eh bien, dit le père Plantat, c'est justement l'heure de cette pendule qui m'a frappé. Elle marque 3 h 20 min, et nous savons que la comtesse était complètement habillée, comme dans le milieu du jour quand on l'a frappée. Était-elle donc encore debout, prenant une tasse de thé à 3 h du matin? C'est peu probable. Et moi aussi, reprit l'agent de la sûreté, j'ai été frappé de cette circonstance. Et c'est pour cela que tout à l'heure je me suis écrié: Pas si bête! Au surplus, nous allons bien voir. Aussitôt, avec des précautions infinies, il releva la pendule et la replaça sur la tablette de la cheminée, s'appliquant à la poser bien d'aplomb. Les aiguilles étaient toujours arrêtées sur 3 h 20. 3 h 20! Murmura Monsieur Lecoq, tout en glissant une petite cale sous le socle. Ce n'est pas à cette heure-là que diable qu'on prend le thé. C'est encore moins à cette heure-là qu'en plein mois de juillet, au lever du jour, on assassine les gens. Il ouvrit, non sans peine, le caisson du cadran et poussa la grande aiguille jusque sur la demie de 3 h. La pendule sonna 11 coups. À la bonne heure! S'écria Monsieur Lecoq triomphant. Voilà la vérité! Et tirant de sa poche la bonbonnière à portrait, il goba un carré de guimauve et dit: Farceur! La simplicité de ce moyen de contrôle, auquel personne n'avait songé, ne laissait pas de surprendre les spectateurs. Monsieur Courtois particulièrement était émerveillé. Voilà, dit-il au docteur, un drôle qui ne manque pas de moyens dans sa partie. Ergo, reprenait Monsieur Lecoq, qui sait le latin, nous avons en face de nous, non plus des brutes, comme j'ai failli le croire d'abord, mais des gredins qui y voient plus loin que le bout de leur couteau. Ils ont mal calculé leur affaire. C'est une justice à leur rendre. Mais enfin, ils ont calculé. L'indication est précise. Ils ont eu l'intention d'égarer l'instruction en la trompant sur l'heure. Je ne vois pas clairement leur but, insinua M. Courtois. Il est cependant bien visible, répondit M. Domini. N'était-il pas dans l'intérêt des assassins de faire croire que le crime a été commis après le dernier passage du train se dirigeant sur Paris? Quittant ses camarades à 9h à la gare de Lyon, Gaspin pouvait être ici à 10h, assassiner ses maîtres, s'emparer de l'argent qu'il savait en la possession du comte de Trémorel et regagner Paris par le dernier train. Ces suppositions sont très admirables, objecta le père Plantat. Mais alors, comment Gaspin n'est-il pas allé rejoindre ses camarades chez Vepler au Batignolles? Par là, jusqu'à un certain point, il se ménageait une espèce d'alibi. Dès le commencement de l'enquête, le docteur Gendron s'était assis sur l'une des chaises intactes de la chambre, réfléchissant au subit malaise qui avait fait pâlir le père Plantat lorsqu'on avait parlé de Robelot, le routeux. Les explications du juge d'instruction le tirèrent de ses méditations. Il se leva. « Il y a autre chose encore, dit-il. Cette avance de l'heure très utile à Gaspin peut devenir accablante pour la ripaille, son complice. »« Mais, répondit M. Domini, il se peut fort bien que la ripaille n'ait point été consultée. Pour ce qui est de Gaspin, il avait probablement de bonnes raisons pour ne point aller à la noce. Son trouble, après un pareil forfait, lui aurait nui plus encore que son absence. » M. Lecoq, lui, ne jugea pas à propos de se prononcer encore. Comme un médecin au lit du malade, il veut être sûr de son diagnostic. Il était retourné à la cheminée et de nouveau faisait marcher les aiguilles de la pendule. Successivement, elle sonna à la demie de 11h, puis minuit, puis minuit et demi, et 1h. Tout en se livrant à cette occupation, il grommelait. « Apprenti, brigand d'occasion! On est malin à ce qu'on croit, mais on ne pense pas à tout. On donne un coup de pouce aux aiguilles, mais on ne songe pas à mettre la sonnerie d'accord. Survient alors un bonhomme de la sûreté, un vieux singe, qui connaît les grimaces et la mèche est éventée. » M. Domini et le père Plantat gardaient le silence. M. Lecoq revint vers eux. « Monsieur le juge, dit-il, peut être maintenant certain que le coup a été fait avant 10h30. À moins, observa le père Plantat, que la sonnerie ne soit détraquée, ce qui arrive quelquefois. » « Ce qui arrive souvent, appuya M. Courtois, à telle enseigne que la pendule de mon salon est dans cet état depuis je ne sais combien de temps. » M. Lecoq réfléchissait. « Il se peut, reprit-il, que monsieur le juge de paix ait raison. J'ai pour moi la probabilité. Mais la probabilité ne suffit pas au début d'une affaire, il faut la certitude. Il nous reste, par bonheur, un moyen de vérification. Nous avons le lit, je parie qu'il était fait. » Et s'adressant au maire, « J'aurais besoin, monsieur, d'un domestique, pour me donner un coup de main. » « Inutile, dit le père Plantat, je vais vous aider, moi, ce sera plus vite fait. » Aussitôt, à eux deux, ils enlevèrent le ciel de lit et le déposèrent à terre, en levant du même coup les rideaux. « Hein ? » fit M. Lecoq, « avais-je raison ?»« C'est vrai, dit M. Domini un peu surpris, le lit est défait. »« Défait, oui, répondit l'agent de la sûreté, mais on ne s'y est pas couché. »« Cependant, voulut objecter M. Courtois, je suis sûr de ce que j'avance, interrompit l'homme de la police. On a ouvert ce lit, c'est vrai. On s'est peut-être roulé dessus, on a chiffonné les oreillers, froissé les couvertures, fripé les draps, mais on a pu lui donner pour un œil exercé l'apparence d'un lit dans lequel deux personnes ont dormi. Défaire un lit est aussi difficile, plus difficile peut-être que de le refaire. Pour le refaire, il n'est pas indispensable de retirer draps et couvertures et de retourner les matelas. Pour le défaire, il faut absolument se coucher dedans et y avoir chaud. Un lit est un de ces témoins terribles qui ne trompe jamais et contre lesquels on ne peut s'inscrire en faux. On ne s'est pas couché dans celui-ci. Je sais bien, remarqua le père Plantat, que la comtesse était habillée, mais le comte pouvait s'être couché le premier. Le juge d'instruction, le médecin et le maire s'étaient approchés. Non, monsieur, répondit monsieur Lecoq, et je puis vous le prouver. La démonstration est facile d'ailleurs. Et après l'avoir entendu, un enfant de 10 ans ne se laisserait pas prendre à un désordre factice tel que celui-ci. Il ramena doucement les couvertures et le drap du dessus, au milieu du lit, tout en poursuivant. « Ses oreillers sont très froissés, tous deux, n'est-ce pas? Mais voyez en dessous le traversin, il est intact. Vous n'y retrouvez aucun de ses plis que laisse le poids de la tête et le mouvement des bras. Ce n'est pas tout. Regardez le lit à partir du milieu jusqu'à l'extrémité. Comme les couvertures ont été bordées avec soin, les deux draps se touchent bien partout. Glissez la main comme moi. » Et il glissait un de ses bras. « Et vous sentirez une résistance qui n'existerait pas si des jambes s'étaient allongées à cet endroit. Or, M. de Trémorel était de taille à occuper le lit dans toute sa longueur. Si claire était la démonstration de M. Lecoq, si palpables étaient ses preuves, qu'il n'y avait pas à douter. « Ce n'est rien encore, continuait-il. Passons au second matelas. On songe rarement au second matelas quand, pour des raisons quelconques, on défait un lit ou qu'on cherche à en réparer le désordre. Examinez celui-ci. » Il souleva le premier matelas et on vit en effet que la toile de l'autre était parfaitement tendue. On n'y découvrait aucun affaissement. « Ah, le second matelas !» murmura Monsieur Lecoq. Et son nez pétilla, pour ainsi dire, au souvenir sans doute de quelque bonne histoire. « Il me paraît prouvé, murmura le juge d'instruction, que Monsieur de Trémorel n'était pas couché. De plus, ajouta le docteur Gendron, si on l'eût assassiné dans son lit, ses vêtements seraient restés sur quelques meubles. Sans compter, fit négligemment Monsieur Lecoq, qu'on retrouverait sur les draps une goutte au moins de sang. Décidément, ces malfaiteurs-là ne sont pas forts. » Depuis un moment, les yeux du père Plantat cherchaient ceux du juge d'instruction. Lorsque leurs regards, à la fin, se rencontrèrent, « Ce qui me paraît surprenant à moi, dit le vieux juge de paix, donnant, par l'accentuation, une valeur particulière à chaque mot, c'est qu'on soit parvenu à tuer chez lui, autrement que pendant son sommeil, un homme jeune et vigoureux, comme l'était le comte Hector. Et dans une maison pleine d'armes, appuya le docteur Gendron, car le cabinet du comte est entièrement tapissé de fusils, d'épées, de couteaux de chasse. C'est un véritable arsenal. Hélas, soupira le bon monsieur Courtois, nous connaissons de pires catastrophes. L'audace des malfaiteurs croît en raison des convoitises de bien-être, de dépenses, de luttes, des classes inférieures dans les grands centres. Il n'est pas deux semaines où les journaux... » Il dut s'arrêter, non sans un vif mécontentement. On ne l'écoutait pas. On écoutait le père Plantat, qui n'avait jamais vu si bavard, et qui poursuivait. « Le bouleversement de la maison vous paraît insensé ? Eh bien, je suis surpris qu'il ne soit pas plus affreux encore. Je suis, autant dire, un vieillard. Je n'ai plus l'énergie physique d'un homme de 35 ans. Et pourtant, il me semble que si des assassins pénétraient chez moi, lorsque je suis encore debout, ils n'auraient pas raison de moi. Je ne sais ce que je ferais. Je serais tué, probablement. Mais certainement, je réussirais à donner l'éveil. Je me défendrais, je crierais, j'ouvrirais les fenêtres, je mettrais le feu à la maison. » Qu'eussiez-vous dit, justiciable d'Orcival, si vous eût été donné de voir l'animation, l'emportement de votre impassible juge de paix ? Ajoutons, insista le docteur, qu'éveillé, il est difficile d'être surpris. Toujours quelque bruit insolite prévient. C'est une porte qui crie en tournant sur ses gonds. C'est une des marches de l'escalier qui craque. Si habile que soit un meurtrier, il ne foudroie pas sa victime. Il se peut, insinua M. Courtois, qu'on se soit servi d'armes à feu, cela s'est vu. Vous êtes bien tranquillement assis dans votre chambre, on est en été, vos fenêtres sont ouvertes. Vous causez avec votre femme tout en prenant une tasse de thé. Au dehors, les malfaiteurs se font la courte échelle. L'un d'eux arrive à la hauteur de l'appui de la fenêtre. Il vous ajuste à son aise, il presse sa détente, le coup part. Et, continua le docteur, tout le voisinage réveillé accourt. Permettez, permettez, riposta M. Courtois. À la ville, dans une cité populeuse, oui. Là, au milieu d'un vaste parc, non. Songez, docteur, à l'isolement de cette habitation. La plus voisine des maisons habitées est celle de Madame la Comtesse de la Lascolle, et encore est-elle distante de plus de 500 mètres, et par-dessus le marché, environnée de grands arbres qui interceptent le son et s'opposent à sa propagation. Tentons l'expérience. Je vais, si vous le voulez, tirer un coup de pistolet ici, dans cette chambre. Et je parie que vous n'entendrez pas la détonation dans le chemin. Le jour peut-être, mais la nuit. Si M. Courtois causait si longtemps, c'est que ses auditeurs observaient attentivement le juge d'instruction. Enfin, conclut M. Domini, si contre tout espoir, Gaspard ne se décide pas à parler ce soir ou demain, le cadavre du comte nous donnera le mot de l'énigme. Oui, répondit le père Plantat, oui, si on le retrouve. Pendant cette discussion assez longue, M. Lecoq avait continué ses investigations, soulevant les meubles, étudiant les fractures, interrogeant les moindres débris, comme s'ils eussent pu lui apprendre la vérité. Parfois, il sortait d'une trousse, renfermant une loupe et divers instruments de forme bizarre, une tige d'acier, recourbée vers le bout, qu'il introduisait et faisait jouer dans les serrures. Sur le tapis, il ramassa plusieurs clés, et sur un séchoir, il trouva une serviette, qui devait lui offrir quelque chose de remarquable, car il l'a mis de côté. Il allait et venait, de la chambre à coucher au cabinet du comte, sans perdre toutefois un mot de ce qui s'y disait, faisant bon profit de toutes ses observations, recueillant et notant bien, dans sa mémoire, moins les phrases elles-mêmes que les intonations diverses qui les accentuaient. C'est que dans une instruction comme celle du crime d'Orcival, lorsque plusieurs délégués de la justice se trouvent en présence, ils se tiennent sur la réserve. Ils se savent tous presque également expérimentés, fins, perspicaces, pareillement intéressés à découvrir la vérité, peu disposés par habitude à se payer d'apparences trompeuses, difficiles à surprendre, et la circonspection naturelle de chacun d'eux seulement de l'estime qu'il a pour la sagacité et la pénétration des autres. Il se peut que chacun d'eux donne aux faits révélés par l'enquête une interprétation différente. Il se peut que chacun d'eux ait, sur le fond même de l'affaire, un sentiment opposé. Un observateur superficiel ne s'apercevrait pas de ces divergences. Tout en dissimulant son intime pensée, chacun cherche à pénétrer celle du voisin et s'efforce, si elle est opposée, de ramener cet adversaire à son opinion, non en la lui découvrant franchement et sans embâge, mais en appelant son attention sur les motifs graves ou futiles qui l'ont fixé. L'énorme portée d'un seul mot justifie cette hésitation. Les hommes qui ont entre les mains la liberté et la vie des autres hommes, qui, d'un trait de plume, peuvent briser une existence, sentent, bien plus durement qu'on ne croit, le fardeau de leur responsabilité. Sentir ce fardeau partagé leur procure un ineffable soulagement. Voilà pour quelle raison personne n'ose prendre l'initiative, ni s'expliquer clairement. Pourquoi chacun attend l'émission positive d'une opinion pour l'adopter et l'approuver ou pour la combattre? Les interlocuteurs échangent donc bien moins des affirmations que des propositions. C'est par insinuation qu'on procède. De là des phrases banales, des suppositions presque ridicules, des apartés, qui sont comme une provocation à une explication. De là aussi la presque impossibilité de donner la physionomie exacte et réelle d'une instruction difficile. Ainsi, dans cette affaire, le juge d'instruction et le père Plantat étaient loin d'être du même avis. Ils le savaient avant d'avoir échangé une parole. Mais M. Domini, dont l'opinion reposait sur des faits matériels, sur des circonstances palpables, et pour lui hors de toute discussion, était peu disposé à provoquer la contradiction. À quoi bon? D'un autre côté, le père Plantat, dont le système semblait reposer uniquement sur des impressions, sur une série de déductions plus ou moins logiques, ne pouvait s'expliquer clairement, sans une invitation positive et pressante. Son dernier mot, souligné avec affectation, n'ayant pas été relevé, il jugea qu'il s'était assez avancé, trop peut-être. Aussi, s'empressa-t-il pour détourner la conversation, de s'adresser à l'envoyé de la préfecture de police. « Eh bien, monsieur Lecoq, demanda-t-il, avez-vous recueilli quelque indice nouveau ?» Monsieur Lecoq, en ce moment, regardait avec une persévérante attention un grand portrait de monsieur le comte et Thor de Trémorel, suspendu en face du lit. Sur l'interpellation du père Plantat, il se retourna. « Je n'ai rien trouvé de décisif, répondit-il. Mais je n'ai rien trouvé non plus qui dérange mes prévisions. Cependant, il n'acheva pas, peut-être lui aussi, reculait-il devant sa part de responsabilité. « Quoi ?» insista durement M. Domini. « Je voulais dire, reprit M. Lecoq, que je ne tiens pas parfaitement mon affaire. J'ai bien ma lanterne et même une chandelle dans ma lanterne. Il ne me manque plus qu'une allumette. « Soyez convenable, je vous prie, dit sévèrement le juge d'instruction. « Eh bien, continua M. Lecoq, d'un air et d'un ton trop humble pour n'être pas joué, j'hésite encore, j'ai besoin d'être aidé. Par exemple, si monsieur le docteur daignait prendre la peine de procéder à l'examen du cadavre de madame la comtesse de Trémorel, il me rendrait un grand service. J'allais précisément vous adresser cette prière, mon cher docteur, dit monsieur Domini à monsieur Gendron. Volontiers, répondit le vieux médecin, qui immédiatement se dirigea vers la porte. Monsieur Lecoq l'arrêta par le bras. Je me permettrai, observa-t-il, d'un ton qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait eu jusqu'alors, je me permettrai d'appeler l'attention de monsieur le docteur sur les blessures faites à la tête de madame de Trémorel par un instrument contendant que je suppose être un marteau. J'ai étudié ces blessures, moi qui ne suis pas médecin, et elles m'ont paru suspectes. Et à moi aussi, dit vivement le père Plantat. Il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu, aux endroits atteints, effusion de sang dans les vaisseaux cutanés. La nature de ces blessures, continua monsieur Lecoq, sera un indice précieux qui me fixera complètement. Et comme il avait sur le cœur la brusquerie du juge d'instruction, il ajouta, innocente vengeance, « C'est vous, monsieur le docteur, qui tenez l'allumette. » Monsieur Gendron se disposait à sortir lorsque sur le seuil apparut le domestique de monsieur le maire d'Orcival, Baptiste, l'homme qu'on ne gronde pas. Il salua longuement et dit, « Je viens chercher monsieur. »« Moi ?» demanda monsieur Courtois. « Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Ne saurait-on me laisser une minute en repos ? Vous répondrez que je suis occupé. » « C'est que, reprit le placide Baptiste, c'est rapport à madame, que nous avons cru devoir déranger monsieur. » « Elle n'est pas bien du tout, madame. » L'excellent maire pâlit légèrement. « Ma femme ? » s'écria-t-il sérieusement inquiet. « Que veux-tu dire ? Explique-toi donc. » « Eh bien voilà, » continua Baptiste, de l'air le plus tranquille du monde. « Le facteur arrive tout à l'heure avec le courrier. Bon, je porte les lettres à madame qui était dans le petit salon. À peine avais-je tourné les talons que j'entends un grand cri, et comme le bruit d'une personne qui tombe à terre de son haut. » Baptiste s'exprimait lentement, mais tant on le sentait, un art infini a augmenté des angoisses de son maître. « Mais parle donc !» disait le maire exaspéré. « Parle, va donc !» Naturellement, poursuivit le drôle sans se hâter, je rouvre la porte du petit salon. Qu'est-ce que je vois ? Madame étendue à terre. Comme de juste, j'appelle au secours, la femme de chambre arrive, la cuisinière, les autres, et nous portons madame sur son lit. « Il paraît, m'a dit Justine, que c'est une lettre de mademoiselle Laurence qui a mis madame dans cet état. » Le domestique qu'on ne gronde jamais était à battre. À chaque mot, il s'arrêtait, hésitait, cherchait. Ses yeux, démentant sa figure contrite, trahissaient l'extrême satisfaction qu'il ressentait d'un malheur survenu à son maître. Ce maître, hélas, était consterné. Ainsi qu'il nous arrive à tous, quand nous ne savons au juste quel malheur va nous atteindre, il se tremblait d'interroger. Il restait là, anéanti, ne bougeant, se lamentant, au lieu de courir. Le père Planta profita de ce temps d'arrêt pour questionner le domestique, et avec un tel regard que le drôle n'osa pas tergiverser. « Comment ? » demanda-t-il. « Une lettre de mademoiselle Laurence, elle n'est donc pas ici ?»« Non, monsieur, elle est partie. Il y a eu 8 jours pour aller passer un mois chez une des sœurs de madame. Et comment va madame Courtois ?»« Mieux, monsieur. Seulement, elle pousse des cris à faire pitié. » L'infortunée mère s'était redressée sous le coup. Il saisit son domestique par le bras. « Mais viens donc, malheureux !» lui cria-t-il. « Viens donc !» Et ils sortirent en courant. « Pauvre homme !» fit le juge d'instruction. « Sa fille est peut-être morte ?» Le père Planta hocha tristement la tête. « Si ce n'était que cela, » dit-il, et il ajouta. « Rappelez-vous, monsieur, les allusions de la ripaille. » Fin du chapitre 6.